Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Un ancien président du Conseil de la République française, une future première ministre de la République de l'Inde, le temporel, les méthodes techniques qui peuvent être empruntées par l'Orient à l'Occident ou par l'Occident à l'Orient, l'existence d'une spiritualité occidentale. Mais le continent dont il était question, surtout dans ce débat, proposé par Radio UNESCO en 1961, était bien l'Afrique. L'Afrique face à l'Orient et à l'Occident, tel est le problème que nous entreprenons d'exposer. Mais avant de présenter les éminents interlocuteurs que j'ai le plaisir d'accueillir, je voudrais préciser très rapidement que l'Orient et l'Occident sont pris ici dans un sens géographique. Le Japon, par exemple, est pour nous un pays d'Orient. La Tchécoslovaquie est un pays d'Occident. Au-delà des blocs idéologiques et politiques, il y a des valeurs, il y a des styles de civilisation qui sont permanents. Et on peut se demander si, pour l'Afrique, ce ne sont pas ces valeurs-là qui, en définitive, joueront un rôle déterminant. En d'autres termes, si les jeunes États africains qui disposent aujourd'hui d'une souveraineté entière avaient à choisir des modèles, des exemples dans la voie du développement, est-ce avec les pays d'Orient ou est-ce avec les pays d'Occident qu'ils se sentiraient le plus d'affinité? Cette question, nous allons la poser aux quatre personnalités que voici. Monsieur Albert Rakoto Ratsimamanga, haut représentant de la République malgache, qui est un écrivain, un médecin, un savant de renommée internationale. Monsieur le recteur Mohamed El Fassi, recteur des universités du Maroc, ancien ministre, et qui se trouve en tant qu'éducateur des princes alaouites, avoir été le maître du roi du Maroc, Monsieur le Président Edgar Faure, ancien président du Conseil des ministres de la République française, juriste et économiste sans doute, mais aussi observateur écouté des affaires d'Extrême-Orient, et enfin Madame Indira Gandhi, fille du président Nehru, elle me pardonnera, j'espère, d'en faire mention, ancienne présidente du Congrès national, qui est le Parlement de l'Inde, et actuellement membre du comité de direction de l'université de New Delhi. Je crois, madame, messieurs, que vous serez d'accord avec moi pour que nous prions monsieur le président Edgar Faure d'ouvrir ce débat. Puisque vous m'en priez, je ne saurais me récuser. Vous nous avez réunis, ce dont nous vous sommes reconnaissants, pour parler d'un problème qui est le problème essentiel du monde moderne, ou du moins un secteur essentiel du problème essentiel. Car le secteur que vous envisagez, c'est l'Afrique, et c'est pour ce secteur que se pose en effet, au premier chef actuellement, ce problème qui est celui de la promotion économique et industrielle d'un certain nombre de pays qui se sont trouvés placés en retard dans les derniers mouvements du progrès technique. Je précise bien que ce problème d'accession à l'économie industrielle n'est pas un problème de civilisation, car l'Afrique est un continent de vieille civilisation. Mais il se trouve que, par suite des traverses de l'histoire, ces États ont besoin de prendre actuellement, de rattraper et de prendre une avance dans l'ère de l'économie industrielle. En même temps, la plupart de ces jeunes États se qualifient par le fait qu'ils sont déjà munis de certaines données, de certaines possibilités, et qu'ils sont au début de la phase que l'économiste Rostov appelle, je crois, le take-off. Vous avez donc mis l'accent sur un problème très considérable. Peut-être votre approche pourrait-elle être qualifiée d'un peu artificielle, car l'Orient et l'Occident, vous avez dit que ces notions étaient vues dans leur sens géographique, Mais vous savez, on est toujours l'Orient de quelqu'un. Je me rappelle les contes écossais et irlandais où les Irlandais écrivent « Beauté qui vient de l'Orient, c'est une Écossaise ». Et vous vous êtes méfié de l'approche qui aurait consisté à diviser l'Orient et l'Occident d'après le critérium de l'économie capitaliste et de l'économie collectiviste. Mais je crois que... Toute approche est arbitraire, monsieur le président. Non, toute approche est arbitraire et une approche même artificielle permet d'aborder des problèmes qui sont substantiels. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois que nous pouvons ouvrir le débat en posant comme principe que l'Afrique demande la synthèse et qu'elle offre la synthèse. Au point où elle en est, elle doit justement puiser partout ce qui peut lui être utile comme enseignement, comme appui. Mais en même temps, par sa formation, par la conjonction de sa vieille civilisation, de la nécessité de sa promotion, mais du début même commencé de cette promotion, elle peut nous apporter, tout en profitant de cette synthèse, les moyens de nous y placer à notre tour et de créer enfin cette harmonie dont manque le monde. Monsieur Mohamed El Fassi. Oui, je pense, comme c'est le président Faure, que l'Afrique a besoin de prendre partout ce dont elle a besoin en ce moment, surtout les jeunes États africains indépendants qui y ont besoin avant tout, à mon sens, de cadres. C'est ça la grande question en Afrique en ce moment. Nous mettons l'accent surtout sur l'éducation enfin, d'une façon générale, mais c'est en particulier dans la formation de cadres administratifs que les Africains, les jeunes États africains arriveront à trouver la solution de toutes les questions qui se posent en ce moment. Le grand drame du Congo est dû, à mon sens, à ce manque de cadre administratif. C'est pourquoi elle doit voir les expériences des autres jeunes États, aussi bien africains, d'autres comme des pays arabes, les pays d'Asie, et prendre ces exemples surtout sur ces pays. Parce que ceux-là, ils ont déjà profiter de l'expérience de leurs aînés de l'Europe et de l'Amérique. Et par conséquent, vous voyez, en prenant leur exemple dans ces pays d'Asie, ils arriveront en même temps à profiter aussi bien de l'expérience de l'Orient et de l'Occident. Les influences entre les deux civilisations sont déjà connues, nous n'avons pas assez de temps pour entrer dans des détails. Mais comme l'a dit M. le Président, on est toujours l'Orient de quelqu'un. Et l'Orient, en tant que non seulement partie géographique, mais en tant que civilisation, a une très grande influence sur l'Occident aussi dans tous les temps passés. Madame Indira Gandhi. Eh bien, c'est vrai que l'Afrique a surtout besoin des cadres et des programmes d'éducation. Je voudrais dire un mot sur les femmes, parce que je pense que c'est l'éducation de la femme qui est très importante. Et c'est, nous avons vu à l'Inde que c'est la femme qui peut changer les idées de la famille. Et maintenant, dans ces pays nouveaux indépendants, on a besoin de créer une atmosphère, des nouvelles idées, parce que on trouve souvent que les gens communs n'acceptent pas toujours les idées nouvelles. Et quand on achève l'indépendance, on veut tout de suite beaucoup de choses, on a des demandes. Et on n'a pas en même temps la réalisation de travailler pour ces choses. Et je pense que c'est par éducation dans le sens la plus, large, qu'on peut créer cette atmosphère dans le pays pour qu'on peut accepter ces programmes et profiter de ces programmes. Monsieur l'ambassadeur Atimamanga. Eh bien, voyez-vous, on vient de dire tout à l'heure ce que en réalité, tout le monde est bien disposé pour l'Afrique. Vous avez vu, je ne peux pas, le recteur El Fassi tout à l'heure nous a parlé de ce qui est au point de vue retard de l'Afrique au point de vue technique, qui ne fait que confirmer ce qu'a dit le président Faure. Mais je vais attirer spécialement votre attention sur deux points. C'est que, premièrement d'abord, du fait de l'accession à l'indépendance, eh bien, l'Afrique à l'heure actuelle est en train de se chercher. J'entends par là sa personnalité. Naturellement, il y a la personnalité morale, spirituelle, qui existait déjà auparavant, mais c'est surtout sa personnalité politique. Je ne vois pas d'antinomie entre l'Afrique et l'Europe, par exemple, entre l'Afrique et l'Orient tel que vous le concevez. Je pense que, justement, l'Afrique peut servir de pont entre l'Orient et l'Occident. Et de plus, je crois que nous devons chercher à l'Occident sa technique, sa facilité de vie qui améliorerait l'existence, mais nous ne devons pas perdre de vue que l'Orient, d'ailleurs ce n'est pas Madame Gandhi qui va à ce point de vue me contredire, c'est la spiritualité de l'Inde, le mariage, l'union entre l'avance technique d'un côté et la spiritualité de l'Inde de l'autre côté, et avec le fond artistique africain, ferait de l'homme africain moderne quelque chose, quelqu'un, une personnalité nouvelle que peut-être mon ami Shangor essaie de dire ou d'exprimer dans sa conception de ce qu'il entend par négritude. Et l'africanité. Monsieur le recteur, oui. Ben, je pense que monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, ambassadeur ou représentant, c'est exactement la même chose. Nous nous connaissons depuis ce longtemps. Monsieur le représentant de Madagascar vient de dire, a mis la discussion sur un plan très élevé, c'est-à-dire que l'Afrique devrait s'inspirer aussi bien de la spiritualité de l'Asie, de l'Orient en général, que celle de la matérialité, si on peut dire, du matérialisme occidental. On a beaucoup écrit et dit sur ces questions de spiritualité et de matérialisme que parfois on est un peu injuste pour l'Occident, où il y a aussi une autre spiritualité, et cette civilisation elle-même n'est pas seulement matérielle, comme on le pense souvent. Mais enfin, il faudrait vraiment que l'Afrique ne se mettent pas complètement dans le matérialisme et qu'elle s'inspire aussi des idées de l'Orient, de l'Islam. D'ailleurs, une très grande partie de ces États, de nouveaux États africains, sont des États musulmans, mais même de la spiritualité chrétienne qui est aussi chez d'autres États africains qui ont embrassé le christianisme. Et c'est peut-être une des meilleures choses que l'aura apporté l'Occident. Et qui a d'ailleurs aussi un peu d'origine orientale. Oui, exactement. Chaque fois où il y a l'esprit, c'est l'Orient. Et d'ailleurs, reste pas toujours. Je défends un peu la spiritualité occidentale. Alors, si vous permettez, mon cher recteur. J'ai commencé par le dire moi-même. Nous sommes bien d'accord. C'est un des rares qui reconnaît cette spiritualité à l'Occident, parce qu'en Orient, et un des plus grands noms, celui que nous avons cette année célébré, dont nous avons célébré le centenaire, Tagore, était vraiment quelqu'un qui ne voyait dans l'Occident que le matérialisme. Par conséquent, pour revenir à ce que je disais, il faut prendre comme devise, à mon sens, une parole du prophète Mahomet qui avait dit « Fais pour ce monde comme si vous étiez éternel sur la terre, et fais pour l'autre comme si vous deviez mourir le lendemain. » Il faut donner la part à chacune, à l'esprit et au corps. Mais ce que vous dites, monsieur le recteur, m'amène à la question suivante. Il y a certainement une spiritualité occidentale et il y a également des méthodes techniques qui peuvent être empruntées à l'Orient, monsieur le président Edgar Faure. Je crois, mon cher ami, voyez-vous que le concept d'Orient et le concept d'Occident, correspondant à des caractéristiques en quelque sorte climatiques ou psychologiques, tendra à connaître une certaine atténuation. Parce que la vie des hommes va vers une certaine uniformité. Et chaque secteur du monde conservera tout de même ses caractéristiques, mais plutôt par suite de l'apport historique, légendaire, traditionnel, que par suite d'une persistance des conditions de vie différentes. Regardez comme la vie de beaucoup de peuples est changée actuellement par la climatisation, par exemple. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs, et je suis d'ailleurs heureux que cet éloge de la spiritualité sous ces différentes métamorphoses, soit faite en présence de Madame Gandhi, qui représente évidemment ce pays de l'Inde, devant lequel, à ce point de vue, nous nous inclinons tous, et ces noms qui représentent pour nous tant de valeurs. Mais voyez-vous, puisqu'on a parlé de la religion chrétienne, dont je suis ici probablement le seul représentant. Nous avons ces... Ah oui, excusez-moi. Nous sommes donc, non pas en majorité, mais une sérieuse moitié. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Alors, je me permettrai de rappeler que, justement, il est toujours un peu indiscret de se citer soi-même, mais dans une des études que j'ai consacrées au problème de la promotion économique, j'avais donné à cette étude ce titre essentiellement chrétien, le pouvoir des clés, potestas clavium. Et nous avons ces célèbres paraboles des deux clés et des deux glaives, le temporel et le spirituel. Eh bien, ce sont ces deux clés que nous devons donner à l'Afrique. Ce sont ces deux glaives qu'elle doit porter, mais toujours conformément à la leçon de nos papes, le glaive temporel doit être sous le glaive spirituel, le glaive sous le glaive. Madame Gandhi. Eh bien, je pense que tous les pays ont quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Et il faut essayer de prendre ce qui est de bon. Et en Afrique, enfin, évidemment, ils peuvent prendre de l'Occident autant que de l'Orient. Mais ce que nous pouvons faire, nous, en Asie, c'est que nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes plus près des problèmes de l'Afrique que les gens de l'Occident. Nous apprenons aussi la technique maintenant et nous enseignons aussi aux pays d'Afrique. Nous envoyons des enseigneurs, des ingénieurs et toute espèce de peuple comme ça. Et je pense que nous avons beaucoup à donner, non seulement dans le domaine spirituel, parce que je ne sais pas si nous sommes plus spirituels que les autres gens, mais seulement parce que nous avons passé par cette période nous-mêmes et nous sommes plus près de tous ces problèmes. Mais vous pensez, je crois que nous devons nous acheminer vers la conclusion, vous pensez, monsieur le recteur, que la compétition ne jouera pas pour l'Afrique et que si même elle devait s'instituer, les peuples d'Afrique ne l'accepteraient pas. Certainement, mais je ne pense pas qu'il y ait en ce moment une compétition seulement pour le bien de l'Afrique. Et ce que nous avons vu, par exemple, à l'UNESCO, puisque nous sommes ici dans le domaine de l'UNESCO, à la dernière conférence générale de l'UNESCO, cet enthousiasme de tous les pays, aussi bien d'Orient que d'Occident, dans tous les sens qu'on peut, on peut prendre ces deux mots, pour l'Afrique, est vraiment très confortant pour l'humanité future. Un mot encore, Monsieur le Président Edgar Faure. Bien, je suis particulièrement heureux de cet échange de vues et je voudrais le conclure en disant que le problème n'est pas tant de savoir si l'Orient a le monopole de la spiritualité et l'Occident celui du progrès technique matériel. Il se peut que dans la mesure où on atteint un progrès technique matériel supérieur, on n'ait plus de difficulté à garder la spiritualité. Nous devons faire cette conjonction, la synthèse spirituelle et du temporel, la synthèse de l'économie capitaliste et celle de l'économie socialiste, la synthèse de l'Orient et de l'Occident, eh bien, mes chers amis africains, à vous de la faire. Absolument, nous sommes complètement d'accord. C'était l'Afrique face à l'Orient et face à l'Occident, une production de Radio UNESCO en 1961. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.